Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste et aujourd'hui je reçois Pablo. Bonjour. Donc ton nom de scène c'est Pablo ? Pablo Pablito. Très bien. Et donc tu avais quelques galères d'humoriste à nous raconter ? Une anecdote qui m'est arrivée et qui, on va dire, m'a fait grand bien pour, on va dire, pour la passion de l'humour. Première année que j'en fais. Et donc je demande dès qu'on peut avoir un moyen de jouer, où c'est qu'on peut jouer. Et quelqu'un qui me propose, bon voilà, je te propose de jouer 10 minutes comme ça, devant le parvis du stade de l'OGC Nice. Moi je suis curieux, je dis carrément, je sais pas comment ça se passe, tu vois, carrément je me dis ça peut être une super occasion et en plus je gagne une place pour aller voir le match. Et j'y vais, et j'arrive en retard parce que je me perds dans Nice, c'est vraiment n'importe quoi dans Nice, je me perds dans la route. J'arrive 20 minutes avant le match. Et on me dit, vas-y, t'as 10 minutes pour jouer. Il reste 10 minutes avant le coup d'envoi. C'était la pire expérience de toute ma vie. Je me suis mis dans un petit carré de 1 mètre carré au milieu des parkings, des places de parking. Les gens se garaient genre, à 2 mètres de moi. Et je commence à jouer. Et les gens me regardent et me disent, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Pensais que c'était un happening, un truc comme ça. Même, qu'est-ce qu'il veut? Normalement, il y a un musicien qui fait de la guitare, mais jamais un mec qui raconte des blagues, alors que, enfin, à droite, tu commandes un drive, à côté. Il y a personne qui t'avait annoncé? Personne qui m'a annoncé. Et du coup, je raconte mes blagues, mais les gens, ils viennent, ils écoutent 2 secondes de la blague, et après, ils montent pour aller voir le match. Et alors là, je me suis pris des clashs par des jeunes qui venaient voir le match, qui me disaient, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Et j'ai passé les 10 minutes les pires de ma vie, en mode vraiment zéro personne qui m'écoutait. Les gens, ils passaient comme ça, ils me regardaient, ils se foutaient de ma gueule, et puis ils allaient voir le match. Mais cette expérience, tu vois, ça m'a fait faire 10 minutes comme un fantôme. Je me suis dit, je suis 10 minutes, pilote je suis automatique. Fantôme, voilà, pilote automatique, j'envoie. Ça a été une bonne expérience pour, on va dire, calmer les ardeurs dans tous les domaines. Là, ça m'a... C'est sûr. C'est sûr que un bon gros bide à l'ancienne, ça fait du bien. Ça apprend l'humilité. Ah, bien sûr. Et je te rassure, je continue d'apprendre. Voilà, donc merci beaucoup Pablo, donc de nous avoir raconté cette histoire et puis de nous faire partager ça pour que les gens comprennent un petit peu, voient un peu l'envers du décor et voient que c'est vraiment galère et que si on monte sur scène, c'est que vraiment on a besoin de passer des bons moments pour oublier ce genre d'histoire-là justement. Voilà. Mais bon, on en rit après en général. On en rit après. Sur le moment, on veut mourir et après on veut en rire, tout simplement. Voilà. Et donc merci beaucoup à toi. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Pas encore, mais ma page qui s'appelle Pablo Caillot, tout simplement. Pablo Caillot. Caillot. C-A-I-2-L-A-U-L-T. D'accord. Et je vais faire une page bientôt qui s'appellera Pablito. D'accord, mais pour le moment, donc on peut te retrouver sur Pablo Caillot. Voilà. D'accord. Sur Facebook uniquement ou tu as YouTube, Instagram Que Facebook uniquement. D'accord. Très bien. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup. On te retrouve bientôt sur une autre scène, pourquoi pas. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures avec d'autres humoristes. Bis à tous, même à toi là-bas.